Une soirée. Il fallut pourtant paraître à Verrières. En sortant du presbytère, un heureux hasard fit que Julien rencontra M. Valneau, auquel il se hâta de raconter l'augmentation de ses appointements. De retour à Vergy, Julien ne descendit au jardin que lorsqu'il fut nuit close. En entrant ce soir-là au jardin, Julien était disposé à s'occuper des idées des jolies cousines. Elle l'attendait avec impatience. Il prit sa place ordinaire à côté de Madame de Rênal. L'obscurité devint bientôt profonde. Il voulut prendre une main blanche que, depuis longtemps, il voyait près de lui. On hésita un peu, mais on finit par la lui retirer d'une façon qui marquait de l'humeur. Julien était disposé à se le tenir pour dit et à continuer gaiement la conversation quand il entendit M. de Rênal qui s'approchait. Julien avait encore dans l'oreille les paroles grossières du matin. « Ne serait-ce pas, se dit-il, une façon de se moquer de cet être, si comblé de tous les avantages de la fortune, que de prendre possession de la main de sa femme précisément en sa présence ? Oui, je le ferai, moi, pour qui il a témoigné tant de mépris. » L'obscurité cachait tous les mouvements. Il osa placer sa main très près du joli bras que la robe laissait à découvert. Il fut troublé. Sa pensée ne fut plus à lui. Il approcha sa joue de ce joli bras. Il osa y appliquer ses lèvres. Madame de Rênal frémit. Son mari était à quatre pas. Elle se hâta de donner sa main à Julien et en même temps de le repousser un peu. Comme M. de Rênal continuait ses injures contre les gens de rien et les jacobins qui s'enrichissent, Julien couvrait la main qu'on lui avait laissée de baisers passionnés ou du moins qui semblait telle à Madame de Rênal. « Quoi ? J'aimerais, se disait-elle, j'aurais de l'amour. Moi, femme mariée, je serais amoureuse. Qu'importe à mon mari les sentiments que je puis avoir pour ce jeune homme ? Monsieur de Rênal serait ennuyé des conversations que j'ai avec Julien sur des choses d'imagination. Lui, il pense à ses affaires. Je ne lui enlève rien pour le donner à Julien. » Les baisers remplis de passion, et tels que jamais elle en avait reçu de pareils, lui firent tout à coup oublier que peut-être il aimait une autre femme. Julien ne pensait plus à sa noire ambition ni à ses projets si difficiles à exécuter. Pour la première fois de sa vie, il était entraîné par le pouvoir de la beauté. Perdu dans une rêverie vague et douce, si étrangère à son caractère, pressant doucement cette main qui lui plaisait comme parfaitement jolie, il écoutait à demi le mouvement des feuilles du tilleul agité par ce léger vent de la nuit et les chiens du moulin du Doubs qui aboyaient dans le lointain. Mais cette émotion était un plaisir et non une passion. « Oui, j'ai gagné une bataille, se dit-il, mais il faut en profiter, il faut écraser l'orgueil de ce fier gentilhomme pendant qu'il est en retraite. C'est là Napoléon tout pur. Il faut que je demande un congé de 3 jours pour aller voir mon ami Fouquet. » L'avenir se peignait sous des couleurs terribles. Madame de Rênal se voyait méprisable. Ce moment fut affreux. Son âme arrivait dans des pays inconnus. La veille, elle avait goûté un bonheur inéprouvé. Maintenant, elle se trouvait tout à coup plongée dans un malheur atroce. Elle était entraînée au hasard par des images contradictoires et douloureuses. Tantôt, elle craignait de n'être pas aimée, tantôt l'affreuse idée du crime la torturait. Quand l'affreuse idée d'adultère et de toute l'ignominie que, dans son opinion, ce crime entraîne à sa suite, lui laissait quelque repos et qu'elle venait à songer à la douceur de vivre avec Julien innocemment, et comme par le passé, elle se trouvait jetée dans l'idée horrible que Julien aimait une autre femme. Sans s'en douter, Madame de Rênal jeta des cris qui réveillèrent sa femme de chambre. Tout à coup, elle vit paraître, auprès de son lit, la clarté d'une lumière et reconnut Elisa. « Est-ce qu'il vous aime ? » s'écria-t-elle dans sa folie. Madame de Rênal sentit son imprudence. « J'ai la fièvre, lui dit-elle, et je crois un peu de délire. Restez auprès de moi. » Tout à fait réveillée par la nécessité de se contraindre, elle se trouva moins malheureuse. La raison reprit l'empire que l'état de demi-sommeil lui avait ôté. Pour se délivrer du regard fixe de sa femme de chambre, elle lui ordonna de lire le journal, et ce fut au bruit monotone de la voix de cette fille, lisant un long article de la Quotidienne, que Madame de Rênal prit la résolution vertueuse de traiter Julien avec une froideur parfaite quand elle le reverrait.